Je suis avec Clément et Vincent du groupe Retsana Takama pour parler de la sortie de leur nouvel album. Salut les gars, merci de prendre le temps juste avant de partir en tournée. Hey, Salut, salut merci à Nico, toi. merci à toi. Je voudrais qu'on commence de suite par parler de ce nouvel album qui vient juste après Darwin, votre précédent album qui était sorti en 2022, qui était un excellent album, qui vous a ouvert beaucoup de portes, qui a été plutôt très très bien reçu. Ma première question, c'est est-ce que vous avez eu une certaine pression pour préparer ce nouvel album? Tu veux envoyer d'abord ou... Au début, comme tu dis, on a quand même pas mal surfé sur la vague de Darwin, donc c'est vrai que la pression, non, on l'a pas eu, et puis en bonne intelligence avec MRS, donc le label, donc ils étaient pas à nous crever les pneus pour avoir l'album, un nouvel album dès que possible. Cela dit, c'est vrai que après avoir épuisé quand même Darwin jusqu'à la moelle en live sur 3-4 ans, tu vois. Sur la fin, voilà, on a un peu rushé sur la fin pour cet album, donc on va dire la précipitation était là un petit peu sur la fin, on va dire. Disons que ça a ajouté l'urgence à l'album, quoi. Ouais, après, si on est complètement honnête, il y avait des bribes de sons qu'on s'était échangés, mais finalement en février, il n'y avait pas encore d'album, hein, et on a enregistré en juillet, donc on s'est un peu mis les piles au dernier moment, en vrai. Mais Ok. on est extrêmement content du résultat, par contre, mais c'est peut-être, je sais pas, peut-être qu'on est devenu meilleur pour écrire des Dans compos dans l'urgence. l'urgence. En réalité, je sais pas pour toi, mais moi, j'étais plutôt du genre à réviser les examens la veille de l'examen, donc Ouais, pareil. peut-être qu'il y a un peu de ça, je sais Pareil, pas. pareil. De toute façon, on travaille toujours mieux avec la pression. Enfin, Ouais, en tout cas, toujours plus vite. c'est le stress positif, quoi. Bon, après, vous êtes quand même appuyé sur un petit peu la même méthode, à savoir que vous avez de nouveau travaillé avec Amaury Sauvé Ouais. pour cet album. On sent quand même un vrai objectif de continuité de Darwin en termes de son. Ouais, bien sûr. Bah, c'est-à-dire quand on avait enregistré Darwin, ça c'est quelque chose qu'on a expliqué un petit peu à l'époque, c'est qu'en fait, on venait d'une expérience où on n'était pas forcément trop satisfait en allant enregistrer, on va dire, avec une méthode un peu plus comme ce qui se fait dans notre niche musicale. Et finalement, on n'avait été pas trop satisfait du résultat. On venait nous voir souvent en live en nous disant: Ah, en live, ah, tu nous entends. Ouais, il y a eu un petit freeze, mais Ouais. Mais donc vous n'étiez pas trop satisfait du résultat. c'est ça, parce qu'en fait, finalement, souvent, enfin, souvent, pas mal de fois quand même, en live, on nous dit: Ah, ça sonne mortel en live, c'est dommage, en album, ça sonne pas pareil. Et bon, bah, pour nous, c'était un peu frustrant ça. Et du coup, quand on était allé voir Amaury, ben, c'était un petit peu aller voir quelqu'un dont on sait qu'il bosse super bien, qui fait super bien sonner ses groupes, mais qui est complètement voilà qui connaît pas du tout notre niche, quoi, en fait. Qui est vraiment un néophyte dedans, et du coup qui a un peu poussé un son qui peut-être des gens diront que ben, y a une patte à Maurice Sauvé, mais plus que ça pour nous, ben, c'est qu'en fait ça nous a permis de restituer notre son live en album, mais vraiment d'une façon fidèle et comme on l'envisageait, quoi, en fait. Et du coup, ben, fort de ce constat, ben, on s'est dit, bon, ben, pour le troisième album, ben, on repasse par lui, parce que finalement, ce son-là, et si tu as déjà écouté l'album, tu verras qu'il y a quand même une vraie filiation sonore entre Darwin et Complètement. Soundchild. Ouais. Est-ce que vous pouvez un peu détailler ce qu'est la méthode Amaury par rapport à ce qu'est l'ancienne méthode, enfin, Ouais. pour qu'on se rende mieux compte de comment vous avez travaillé justement ces deux derniers albums Bon, en fait, la méthode traditionnelle, on va dire, tu arrives le jour de l'enregistrement, tu t'enfermes une semaine, 2 semaines et tu enregistres l'album. Et tu vois ce qui se passe. Amaury s'est pensé beaucoup plus en amont, c'est-à-dire qu'à la base, il travaille avec des pré-productions. C'est-à-dire qu'un mois ou deux avant, on fait une à deux pré-prod. On avait fait deux pour Darwin, là, on l'a joué un peu plus risqué, on a fait une pré-prod. Mais en gros, on va arriver avec la première itération des morceaux. Et on le joue une fois. Et puis après ça, on touche quasiment plus à nos instruments pendant 4 jours. On fait nos devoirs, on passe sur des cahiers, on note quelle est l'intention de chaque morceau, comment on appelle. Le Des parties qui storytelling. s'appellent le temps des rillettes, tu sais pas pourquoi, sur les morceaux. Et donc, du coup, tu réfléchis énormément à l'intention, qu'on soit tous alignés sur les intentions, et qu'on soit d'accord ouais, sur ce qu'on veut faire. Donc on pense énormément les morceaux à ce moment-là, ce qui fait que à partir de ce qu'on a fait sur la première pré-prod, des fois le morceau il va être complètement changé sur l'enregistrement final. On va prendre tous les conseils d'Amaury en termes de son, mais aussi de direction artistique. C'est que c'est carrément le quatrième membre du groupe. Donc lui, Amaury, il aime participer au processus créatif. Bon, pour certains groupes qui ne veulent pas, il peut s'adapter, mais globalement, c'est quelqu'un qui va toujours quand même proposer des choses, donner son avis, nous aider vraiment à atteindre notre objectif de la meilleure des façons. Et donc, il y a ce travail sur les pré-prods qui est important. Il faut souligner que c'est un énorme geek aussi, donc on apprend énormément avec lui. Et puis après, on revient pour l'enregistrement. Là, on va dire, c'est entre guillemets un peu plus classique. Après, voilà, il y a une méthode de segmentation des jours, de l'effort, etc., qui est propre. Mais en gros, voilà, il y a vraiment ce travail sur les pré-prods qui permet vraiment de penser énormément les morceaux en amont et pas se retrouver coincé au dernier moment en disant, bon, en fait, on n'est pas super satisfait. Là, si on n'est pas satisfait, c'est vraiment qu'on n'a pas réfléchi du tout au truc avant et que voilà. Il y a quand même un élément important en plus aussi, je pense, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui croit beaucoup à l'enregistrement live, c'est-à-dire qu'en fait, c'était le cas sur Darwin, et c'est le cas aussi sur Summer Child, et c'est le cas pour la plupart des groupes, je crois, même la totalité des groupes qui passent par Amaury, c'est que l'essentiel de ce qui va s'entendre sur le disque va être joué en live, donc c'est-à-dire tous ensemble en même temps. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a trois cabines isolées, mais dans lesquelles qui communique visuellement en tout cas entre elles dans son studio, et en fait les prises c'est pas des prises où il y a le batteur qui fait sa piste, ensuite il y a le bassiste qui fait sa piste, ensuite les guitares, etc. Les seules choses finalement et je crois que c'est comme ça pour la plupart des enfin quoi que je dis ça, Point Mort d'ailleurs par exemple, un autre groupe qui est beaucoup passé par Amaury, eux ils font même les voix en live, mais nous en fait tout était fait en live à part les voix et quelques overdubs de guitare, mais ça je pense que c'est quelque chose qui est important, et donc aussi c'est ça va aussi limiter le nombre de drops, donc c'est à dire qu'en fait un morceau ça va faut enregistrer de bout en bout quand on le joue quoi, en fait. Il est super fort sur l'édition, ça peut arriver des fois qu'on prenne des parties d'un morceau sur une prise et d'autres, mais globalement c'était souvent une prise était la meilleure, petite pression avant parce qu'on sait qu'on a 4-5 prises max, après le batteur il est rincé. Donc, et nous aussi d'ailleurs, moins que le batteur. Donc, on sait qu'on a ces 4-5 prises et qu'en fait, on coche les cases au fur et à mesure. C'est une dit, sur cette chanson, l'intention était super bonne à ce moment-là. Et puis, à la fin, on prend le meilleur de tout ça. Et souvent, une fois qu'il nous dit, les gars, j'ai tout ce qu'il me faut, ou la quatrième prise, c'est là qu'il nous dit, bon, les gars, c'est détente, j'ai tout ce qu'il me faut, la dernière prise, amusez-vous. Et ça arrive très souvent que la dernière prise, on est super détente, en fait, finalement, c'est la meilleure. Et puis, voilà. Ok. Donc finalement, il a très bien compris comment vous faire ressortir le meilleur. Et ça c'est top. Pour parler un peu, enfin recontextualiser votre style, vous êtes, moi je dirais à la mi-chemin entre du stoner et du psyché. Je sais pas si c'est une définition qui vous convient. Ça, voilà. Mais il y a aussi plein de petits autres éléments. Qui en fait sont dans un équilibre pour faire du Red Sun Atacama. Vous diriez que c'est quoi votre recette, votre pâte qui fait que vous êtes vous? Alors, je pense que déjà ça se joue au fait qu'on a tous des influences. Enfin, on se rejoint sur pas mal d'influences ensemble, mais on a tous des goûts un petit peu différents. Au-delà de ça, je pense qu'il y a une vraie volonté de crossover, mais en essayant de faire quelque chose d'assez fluide, mais un crossover de genre. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple de la voix, parce que c'est celui qui me vient un peu en premier par mon rôle, mais par exemple, on n'a pas voulu aller axer sur une voix très cliché, stoner, doom, très guttural, comme ça. Mais ça reste quand même un truc assez braillé finalement. Peut-être que la voix va rapprocher sur un truc un peu plus je sais pas comment on pourrait dire, un peu plus garagé dans ces eaux là un petit peu plus plus garagé, t'as une voix aiguë, voilà, c'est pas du Orange Goblin, même si on aime beaucoup Orange Goblin, c'est de la même façon au niveau des tempos, c'est vrai que globalement on est un petit peu au-dessus ou voire très au-dessus sur certains morceaux de ce qui se fait dans la niche, donc il y a ces éléments là font qu'il y a un petit côté un peu plus urbain, un peu plus punk. Il y avait des chroniques des grands cabours qui avait marketé un peu le groupe en Urban Desert, rock, mais du coup, urban et désert, ça n'a pas l'air d'aller très bien ensemble. Ouais, mais finalement, c'est un peu bizarre. Ouais. peut-être un peu de la même façon que dans notre musique, ben, ça mixe un peu des concepts qui peut-être qui ne devraient pas être ensemble, mais qui marchent bien. Mais après, voilà, je ne sais plus. Sur Darwin, quelqu'un avait eu ce truc de desert punk. On avait bien aimé parce que finalement, côté punk, il y a le côté un petit peu rapide, un peu abrasif. Voilà, un petit peu comme ça, un petit peu aggro, mais sans aller non plus, on n'est pas du punk hardcore ou quoi que ce soit. Mais à côté de ça, il y a tout le côté desert, donc avec ben des petits écarts sur du doom, sur des trucs un peu plus longs, un peu plus fuzzy, un peu plus lent, et beaucoup de. Enfin, des passages un peu plus avipsiques, quoi, et psych. Donc, du coup, voilà, je sais pas, Non, qu'est-ce que beaucoup t'en de variétés penses? sur les nuances. En fait, comme un passage de morceau tatane, en fait, il faut qu'il y ait du calme avant ou après, parce que si t'es à fond les ballons pendant tout le morceau, ça peut lasser l'oreille au final, et tu vas pas forcément ressentir la violence, en fait, du truc. Donc je pense qu'on essaie de mettre un point d'honneur à passer vraiment par plein de paysages différents et des nuances différentes pour que quand c'est très calme, c'est très calme, quand c'est très vénère, c'est très vénère. Ouais. Bon, morceau progresse au fur et à mesure. En plus, ils C'est sont ça. toujours assez longs, entre guillemets. Enfin, Ouais. ils sont On d'une longueur normale pour le a fait style, un effort plutôt. sur ce... On a fait un effort sur celui-ci pour raccourcir et c'est dur, hein. Je pense que naturel, il aurait eu un galop. On s'est dit, vas-y, Ouais. ça c'est le moment, on ne fait pas un morceau de plus de 3 minutes. On C'est a ça. tenté, mais bon, au fur et à mesure qu'on On avançait dans le a un peu tempo, loupé. a Ouais. forcément durable. Même si on est quand même sur une moyenne beaucoup plus courte. On va pouvoir faire plus de morceaux en concert, peut-être, maintenant, c'est cool. Ouais. Ouais, Votre pochette fait écho à votre thématique qui est quand même très profonde dans cet album. Est-ce que vous pouvez me parler justement et de la pochette et de la thématique globale qui, j'ai l'impression, sont quand même très liées? Alors, ben, figure-toi, Nico, que pas tellement. Pour le coup, au niveau des pochettes, on a toujours fait pas mal confiance aux artistes avec qui on avait bossé. Donc, c'était la première fois, c'était avec Smoke Signal Studio. Mais en gros, on lui avait envoyé l'album. On lui avait dit, ben, juste, il y a quelques types d'éléments qu'on n'aime pas. Qu'on veut pas, mais pour le reste, c'est un peu ce que ça t'inspire. Envoie-nous deux, trois drafts, deux, trois copies, et puis voilà. Et du coup, on avait bien aimé, bon, mais pareil avec Nico d'ailleurs, on avait bien aimé ce qu'il nous avait renvoyé. Puis là, pour Nico, donc Nico Marciano, c'est un petit peu, c'est un artiste peintre de grande qualité, mais on va revenir juste après. Mais en fait, c'est aussi un ami de plus de 10 ans. C'est certainement la personne qu'on est le plus avec nous sans faire partie du groupe sur la route pour des dates. C'est un peu notre merch guy, drive guy, manager guy, Il tout. résout les problèmes. Ouais, il résout les Ouais. problèmes, voilà. Et du coup, sur la route, il y a pas mal de monde qui ont dû le croiser. Et c'est déjà lui qui avait fait la pochette en fait pour Darwin. Donc il avait fait cette pochette avec les deux chiens un peu telluriques comme ça. Et pour celle-ci, en fait. Il faut savoir que à la ville, Nico en fait est peintre voilà professionnel de renom quoi. Et lui est spécialisé vraiment dans des grosses toiles avec voilà de la peinture à l'huile. Et du coup pour celle-ci on s'était dit ça serait quand même chouette pour faire un truc différent de ce qui se fait par ailleurs en général au niveau des pochettes d'albums. Ce serait chouette de passer sur quelque chose voilà. Sur une peinture. Et en fait, j'étais tombé sur un de ses tableaux. Il avait fait toute une série de tableaux, de paysages, mais avec une inspiration où il se servait de ballons métalliques, en fait. Et il en avait un avec une flamme, et j'avais complètement flashé dessus. Et je crois que c'était sur la route du Hellfest, comme il était là, comme très souvent. J'en avais touché un mot, j'avais montré ça aux gars, ils avaient trouvé ça cool. Et ensuite, il a refait un nouveau tableau, un peu inspiré de ça, mais un peu plus personnalisé par rapport à nous, pour cet album. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à cet artwork. Et nous, on le trouve magnifique. Voilà. Et il est en expo, c'est un tableau de. C'est quoi la taille du tableau, Vince? Il fait 1 mètre sur 1 mètre, je crois, 1 mètre un sur un peu moins, mètre, voilà. Vous pouvez le voir en grand format peut-être un peu en plus. expo, voilà. Okay. Sur Bordeaux, je suppose. Ça a Pessac qui a sorti 13 en ce moment à côté de Bordeaux. Voilà. Voilà, ça c'est pour la pochette. Et donc qui n'est pas forcément corrélé avec le thème de l'album. Ou le thème de l'album, pour sans trop rentrer dans les détails, parce que j'aime jamais trop donner d'interprétation. Voilà, mais en gros, par rapport aux paroles, par rapport à la direction un peu narrative qu'on avait cherché à avoir sur cet album. Globalement, c'est un album sur la résilience et sur la capacité de faire face, de faire face aux problèmes, notamment aux problèmes un peu psychologiques, voilà, au trauma, pour utiliser un mot assez global. Et en fait, quasiment chaque morceau, c'est une méthode, c'est un mécanisme, un fonctionnement pour essayer d'aller au-delà, de surpasser ces traumas. Alors, il y a des mécanismes positifs, des mécanismes négatifs, voilà. Mais bon, après, voilà. Globalement, cet album, c'était un peu, en réalité, narrativement, en tout cas, c'était un peu une introspection. Ouais. Voilà, donc voilà. Okay. Bah, tu vois, justement, moi, les flammes au cœur, comme ça, je les avais un peu interprétées comme étant justement cette petite flamme qui te permet de en toi, tu vois, d'être Ah un ouais. peu introspective, tout ça. C'est, après, tu vois, j'ai regardé les paroles, je me suis dit, souvent les images vont avec, donc j'ai cherché aussi, c'est peut-être ça qui m'a induit, mais Après, ok. tu sais, instinctivement, tu peux y avoir beaucoup de choses, il peut y avoir beaucoup de choix qui se font où c'est complètement du subconscient, on ne se rend pas exactement compte de pourquoi la direction fait que finalement c'est ça. Et finalement, les choses ont beaucoup de sens par la suite quand on essaie de raccrocher les wagons. Hein, c'est. Typiquement, par exemple en thérapie EMDR, où en fait tu as plein d'idées comme ça qui ont l'air d'être des idées un peu un cosmos d'idées comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi, c'est quoi le lien, et d'un coup il y a quelque chose qui clique et en fait tout a un sens. Peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est 100% du hasard, je ne sais Ouais. pas. Mais j'aime bien ton interprétation en tout cas. Ouais. Bah voilà. Je vais la garder pour les prochaines interviews. Y a pas de quoi. Je vais maintenant parler un peu plus du live parce que bah, vous l'avez déjà un peu dit, c'est quelque chose d'un peu important. Donc moi j'ai eu l'occasion de vous voir une fois, donc c'était au Hellfest en 2024. J'ai eu des amis qui vous ont vu par la suite sur d'autres dates. Et à chaque fois, ce qui ressort, c'est que bah, déjà vous avez eu une vraie énergie scénique et que bah, en fait vous avez un super rendu qui est très propre, qui est très carré, fait, qui rend parfaitement ce que vous voulez exprimer sur l'album. Je suppose que vous devez quand même pas mal travaillé en amont des lives pour en arriver à ce résultat, d'arriver à tout ressortir, ou alors est-ce que c'est aussi un peu lié au fait que vous avez tout enregistré version un peu live comme ça? Qu'est-ce que t'en penses, Vin? Je pense que ça joue beaucoup sur la façon d'enregistrer déjà de base. Ouais, parce que 90% du boulot il est fait en studio. Peut-être qu'en live on va rajouter un ou deux happenings et des trucs, mais globalement on aime beaucoup de jammer aussi, donc on va rajouter des petites jams. Et 90% du taf il est fait en studio. Quand on compose les trucs et après on les enregistre, on pense quand même immédiatement, bah là ça va tuer en live, etc. Donc dès le studio je pense que c'est pensé comme ça. C'est ça. On travaille pas spécifiquement des différences pour le live en vrai. Hein. Et je pense que de la même façon, et aussi pourquoi est-ce que ça marche bien, c'est que typiquement, comme on essaie quand même de pas mal limiter les overdubs, c'est-à-dire qu'en fait, à de rares exceptions, avec quelques guitares doublées et Sur cet album, on a fait un quelques peu plus claviers, quelques d'exceptions, on s'est voilà. un peu plus lâché sur la prod, mais ça reste quand même Mais globalement très fidèle au live. voilà, et qui reste quand même des choses qui sont un peu saupoudrées comme ça dans l'album, mais finalement, le fait que qu'on n'abuse pas en mettant un mur de guitare, en mettant des percus partout, machin, ben, du coup, derrière, ça fait qu'en live, si on equalise à peu près pareil, finalement, tout ce qu'il y avait sur l'album, c'est exactement la même chose que sur le live, et finalement, tout ce qu'on gagne sur le live, c'est juste d'avoir la 3D avec vraiment la pression des amplis et. Le son de la sono qui pousse, et puis le fait de nous voir en live bouger quoi. Donc je pense que le fait que ça y ait, je sais pas si on peut dire qu'il n'y a pas de triche, mais le fait qu'on essaye de faire vraiment quelque chose qui soit reproduisible en live, ça fait qu'en fait c'est assez naturel derrière de pouvoir refaire exactement la même chose quoi. Vous partez bah, du coup demain pour une Yes, c'est ça. tournée qui démarre dans quelques jours en Espagne et au Portugal, déjà pour commencer. Est-ce que c'est votre première tournée à l'étranger? Ah non, on en a fait quelques-unes. On a beaucoup pratiqué la Belgique, la Hollande. On a fait de l'Allemagne, on est passé en Suisse. Et là, c'est la deuxième fois qu'on va en Espagne. Pour la petite histoire, la dernière fois, on avait fait trois dates ou quatre dates, je ne sais plus, Vince. On avait fait deux dates, on avait fait Barcelone-Madrid pour la tournée européenne avec Non, non, même Doppler. celle d'avant, je veux dire celle de Ah, il y a très longtemps. 2017. Ah ouais, non, on avait Ah, fait trois, ouais. il a voulu Ah, se. je veux plus y Il penser veut à plus y celle-là. penser, il veut plus s'en souvenir. Mais la première qu'on avait fait en Espagne, c'était une tournée assez rocambolesque. Donc, avec des conditions pas faciles, des publics pas faciles. Alors, je crois que. Il y a un concert, on a fait deux personnes, c'était les C'est ça, serveurs. Oh. exactement. Il y en a un autre, on avait. Ouais. C'était. Somme toute, une soirée sympa, mais c'était Non, bah c'est la même soirée qu'on a dû dormir dans le van en Non, plus, non, c'était ça. je te parle de celle de la Madrid. Il Ah oublie les ouais, la mauvais Madrid. épisodes, mais à Madrid, en gros, on avait joué le soir d'une finale de Ligue des Champions où jouait le Real Madrid. Donc, pas énormément de monde, et on avait joué dans un Dans un parking, du coup, garage, ouais, dans dans un un garage, garage. ouais, c'est ça. Ouais. Et c'était quoi la dernière? Je sais plus. Ah, Saragosse, ouais. Saragosse, ouais. Saragosse, où en fait, il n'y avait pas eu de. Il n'y avait pas Zéro eu promo, je de. crois, Zéro d'ailleurs. promo, on est arrivé. Le mec nous avait proposé un dandy, mais sans promo. Donc, du coup, on avait quand même une douzaine de personnes. Après, c'est con, mais je Mais pense que l'Espagne est aussi un peu plus maintenant voilà. sur nos sons, quoi. Elle est un peu plus sur le psyché, le Tu stoner, tout ça. Et je penses? pense qu'elle était peut-être un petit peu En moins. 8 Bon, après, ans? je sais pas, je suis pas sociologue de l'Espagne, Moi, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Mais tout ça mais. pour dire qu'on a une revanche à prendre sur l'Espagne. Donc, Ok, donc vous l'attendiez voilà. de pied ferme cette tournée. Absolument. Absolument. Vous allez ensuite enchaîner avec des dates en France qui vont vous conduire jusqu'à cet été avec le Motoc, qui est encore une très grosse date qui va être très certainement assez importante pour vous. Mais il y a moi une date qui m'intéresse particulièrement, c'est celle que vous allez faire à Toulouse en compagnie de Mars Red Sky et Yes. Monkey Free le 13 mars, donc au Rex, qui sera en plus le jour de la release de l'album. C'est pas au Rex, hein, c'est au C'est métronome. au Pardon, métronome, au bien sûr. métronome. Ouais, oui, t'as raison, je me trompe. Pardon. Et qu'est-ce que ça représente pour vous de partager l'affiche avec bah, c'est quand même ces deux gros monstres de ce style. Voilà, en plus, faire en France, pas très loin d'être à domicile pour vous. Ah, c'est les parrains de la scène, quoi. Donc après, on connaît très bien Jimmy, vu que c'est le boss de notre label. Donc du coup, maintenant, on a appris à se connaître un peu. Mais ouais, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager des affiches avec des groupes. Voilà, c'est vraiment des cadors Monkey de la Free scène, sera une quoi. nouveauté, mais on adore ce qu'ils font aussi. Mais Mars Red Sky, ouais, j'ai fait quelques dates avec eux, ça passe toujours bien. Comme une fois, comme je dis, c'est les patrons de la C'est scène ça. en France. Nous, et puis on aime bien jouer avec des groupes un peu plus doomy, un peu plus lents et lourds parfois. Ça se complète assez bien en général. En fait, des soirées, des plateaux où t'as nous qui arrivons avec des morceaux un peu plus speed tempo et du doom derrière, ça s'était traduit. Je sais plus quel groupe jouait avec nous après nous, juste après au Hellfest. Juste après un concert à la Vallée, il y avait un groupe de Doom Ah, le qui jouait groupe derrière. on voit je On connais, sort, ils nous avaient dit You put them up and we put them down. Tu ouais. vois, genre ce côté. Mais Donc ouais. je pense que ça va être des super dates qui vont bien Non, se non, compléter, des ça va être très super salles, cool. et toujours très content de jouer avec Les gars, moi j'en ai fini avec mes questions. Je vous remercie d'y avoir répondu. Je vous souhaite une très bonne tournée espagnole parce que voilà, il y a des revanches à prendre et après je suis sûr que votre tournée française sera plutôt très sympa. On se voit du coup ou pas au métronome? Je vais essayer, je vais essayer. Allez, il faut, hein, il faut. Ouais. Mais ouais, mais en tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était toujours un plaisir de discuter. Donc voilà. Merci beaucoup.